classique. Profitez de nos spéciaux tous les midis et découvrez l'harmonie des tables d'hôtes le soir. Surveillez également nos rabais dans le passe-partout Bonne Chère. Pour réservation, 418-525-6161, menu disponible sur chichiocafé.com. Le pied bleu, bouchon québécois d'inspiration lyonnaise, c'est la cuisine traditionnelle française qui vous offre cochonaille, abat et tripes dans une formule gargantuesque. Le renard et la chouette, café et buvette, c'est une cuisine contemporaine suivant les saisons. Petits et gros plats à partager axés sur les légumes et les poissons. Deux lieux, même convivialité. Le pied bleu et le renard et la chouette, 179 et 125 rue Saint-Vallier-Ouest. 418-914-3554. Menu sur piedbleu.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au restaurant pub Le Dorsay, 65 rue de Buade à Québec. dorsayrestaurant.com. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Voici le son que produisent des rénovations ordinaires. Et voici le son que produisent des rénovations éco-énergétiques faites dans le cadre du programme RénoClimat. La différence ne s'entend pas ici, mais elle se ressent dans votre portefeuille. Avec RénoClimat, obtenez de l'aide financière et économisez jusqu'à 25% sur votre facture d'énergie. Rendez-vous au Salon Expo Habitat Québec du 17 au 21 février. Un message du gouvernement du Québec. Le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership. Objectif. 40 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30 par téléphone au 418-640-2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à L'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. J'entends la France avec vous en ce mardi 16 février. J'ai avec moi des chroniqueuses, un chroniqueur en studio. Alors, bonsoir, Suzy Dufour. Bonsoir, Jean-Tienne. Bonsoir, Fanny Hénon-Lévy. Salut, Jean-Tienne. Bonsoir, Julien Saint-Georges. Hello, Jean-Tienne. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Donc, Audrey est absente aujourd'hui parce qu'elle est actuellement au Musée national des Beaux-Arts. Donc, je fais un petit aparté ici. Donc, Audrey et BGL sont au Musée des Beaux-Arts dans le cadre de l'événement BGL qui est présenté par le Club des collectionneurs des arts visuels de Québec. Donc, les portes vont ouvrir à 18h30 dans l'auditorium. Et si vous avez envie d'aller assister à ce bel événement, c'est à 19h30 ce soir que ça se passe. Donc, un petit aparté pour vous inviter, chers auditeurs, à aller rejoindre Audrey au musée. Mais cette première partie d'émission va d'abord être consacrée, on vous offre en fait, comme la semaine dernière, une chronique collective pour parler des installations en cours au mois multi. Donc, encore cette semaine, on a un menu encore plus substantiel. Et en deuxième demi-heure de l'émission, je vais recevoir Fanny Bouchard qui va présenter l'exposition Lever le voile à la salle qui présente l'exposition Lever le voile à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Et en toute fin, je m'entretiendrai avec la céramiste Jenny Paquette au sujet de son exposition objet présentement en cours au Centre Materia. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre page web et notre page Facebook au www.l'aérospatialecrl.wordpress.com. Vous allez y retrouver les émissions en balado-diffusion, l'actualité en art visuel, le calendrier des événements, parfois également quelques billets publiés par nos collaborateurs et la sélection audio de Simon Roy. Donc, parlant de sélection audio, Simon Roy nous propose cette semaine l'artiste MEDL4. J'ai de la difficulté à savoir comment ça se prononce. on part en pause audio avec un extrait de Gank Squad. Alors, de retour à l'aérospatial, j'ai choisi de commencer par l'œuvre de Ivanov Stoeva, présentée à la bande vidéo, donc une œuvre qui, une installation vidéo qui se nomme Dans l'intervalle, qui travaille un peu sur l'exploration vidéographique de la surface de l'eau. C'est une résidence qu'ils ont faite au Saguenay, je crois. Je sais pas si c'est une résidence, mais ils viennent de Montréal, en fait. C'est un duo depuis 2009 qui travaille ensemble à Montréal. Mais je sais pas si c'était une résidence, par exemple. J'avais posé la question quand je suis allé justement à l'installation. Puis la personne qui s'occupait m'a pas dit qu'il s'en était une. Mais ils connaissaient, tu sais, ils connaissent le Saguenay, ils connaissent le Québec assez bien. OK. Donc, ça a été produit à partir de la surface de l'eau. Du Saguenay, du fjord. Donc, au centre, on a une espèce d'installation circulaire, cylindrique, avec une multitude d'écrans qui nous font face. Nous, on fait le tour. Et puis, il y a des capteurs de mouvement. Oui, c'est ça. Puis, il y a comme trois petites installations aussi dans le côté gauche, en admettons. Périphérie. Oui, exact. Ouais, mais qui réagissent, elles aussi, par exemple, au détecteur de mouvement. Tout est comme interrelié. Ça fait que c'est quand même intéressant là, de jouer avec ça. Oui. Moi, j'ai quand même... Quand tu comprends que tu peux avoir une influence sur l'œuvre, tu t'amuses là, comme un petit gamin là, un peu là, à voir les changements. Là. C'est, les changements beaucoup dans la couleur, dans le fond de l'eau. Là, oui, il y a des espèces d'effets là, de post-production, des sauts de contraste, la couleur, donc qui viennent altérer l'image qu'on voit. On interagit, on se promène. L'installation au centre est beaucoup plus grande. Hein? On a vraiment un côté plus face-à-face avec l'installation, alors que les œuvres qui sont présentées le long du mur sont plus petites, hein? On se penche. Oui. C'est d'une autre nature aussi, l'altération de l'image qui est faite sur ces œuvres-là. Il y en a une, mais je pense à celle qui est sur la carte postale. C'est des tranches de vitres. Ouais. Donc on voit l'image qui nous est donc qui nous est comme une trame de tranches de vitre à la verticale, un peu mm-hmm. de biais qui vient nous empêcher de voir l'image, ouais. qui la déforme. Mm-hmm. Puis il y a ces difformités d'arc-en-ciel aussi un peu qui se ouais. forment. Ouais. J'ai bien aimé, mais je sais pas comment décrire ça, mais c'était comme une fenêtre sans fond, on pourrait dire. Tu sais, il y en avait une que tu penchais au-dessus et là tu étais un plongeon là, si on veut dans le vide. Oui. Je trouve que les artistes ont réussi quelque chose, c'est qu'on ça se nomme dans l'intervalle et je trouve qu'on est vraiment dans les interstices de l'eau. C'est-à-dire ouais. que oui, l'eau est omniprésente, mais on est dans les craques, on est dans les ombres. Mm-hmm. D'ailleurs, l'interactivité avec le spectateur fait c'est bouger ces ombres-là, appuie sur certaines ombres. Mm-hmm. Donc vraiment, il y a un travail pictural aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que ouais. effectivement, les deux artistes proposent soit de plonger à la verticale dans les craques, soit il y a l'installation qui fragmente. T'sais, on essaie justement d'essayer d'étirer le motif. Il mm-hmm. y a quelque chose un peu comme infini avec l'eau. Puis là, tout d'un coup, avec tous ces écrans-là, on essaie de la morceler. C'est pour oui. voir qu'est-ce qu'on travaille. Il y avait un effet, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y avait un effet graphique, je trouvais. Ça ressemblait un peu à l'estampe. Les images qui étaient finalement des images vidéo ressemblaient à un tracé plus... ben c'est ça, de l'estampe ou presque, puis en même temps ça devenait numérique, on est plongé un peu dans le noir, fait qu'il y a une ambiance un peu, moi je trouvais ça me faisait penser au film La Matrice là, quand on plongeait dans les, tu sais, il y a quelque chose de très technologique en même temps qui parle de l'eau, puis en même temps qu'il y a un travail pictural là, qui rappelle le graphisme dans ces strates là dont tu parlais, Fanny. Donc ouais, je trouve qu'il y avait plusieurs couches justement dans cette pièce là intervalle. Là-dessus je pense c'est ça, comme c'est pas une installation vidéo traditionnelle, on pourrait dire, là, comme qu'on fait juste venir voir une vidéo, puis là, on attend de voir le début, la fin, mais peu importe. Là, on travaille vraiment comme, je sais pas, un objet. Il y avait plusieurs objets dans... Puis qui t'amène à bouger, parce que inévitablement, vu qu'on est sur une forme circulaire, mm-hmm. on est amené à tourner autour, et donc t'es amené à vraiment être en mouvement dans l'appréhension de cette œuvre-là. Donc c'est intéressant aussi, ce rapport à l'œuvre, c'est que t'es pas en face d'un écran, mais t'es vraiment mis en mouvement de la même manière que l'eau est tout le temps en mouvement. Oui, et ça c'est mm-hmm. intéressant, c'est aussi. Oui, on nage un peu dans l'exposition, si on veut. Donc, c'est présenté jusqu'au 6 mars à la bande vidéo. Au studio d'Avatar, c'est une installation d'Adam Basanta qui est présentée. Une installation qui s'appelle Pirouette. C'est en fait un micro sur un trépied au centre qui est entouré de haut-parleurs qui sont dénudés dans leur plus simple appareil, suspendus au plafond, et le micro qui tourne crée des, ce qu'on appelle en français, en bon français, des feedbacks avec ce micro qui s'approche et s'éloigne, donc très très simple, mais avec un esprit de contemplation assez efficace, hein, Fanny? Ah, je l'ai pas vu cette installation. Pardon, Suzy. Oui. Donc, Suzy, toi, tu as vu l'installation, donc il y a quelque chose de très contemplatif. Absolument. Hein? On s'y perd un peu parce que le mouvement, en plus, circulaire du trépied est assez lent. Puis les retours de son sont contrôlés, en fait. Ils sont finalement esthétiques, là. Ça devient pas agressant, mais pas du tout. Puis même le terme pirouette, si je m'abuse, fait référence à la ballerine qui fait des pirouettes, qui ressemble un peu en fait aux espèces de boîtes musicales qu'on ouvre, puis il y a une ballerine qui tourne là, puis où on entend une chanson en même temps. Puis ce que j'ai lu finalement sur le cartel d'exposition, c'est que l'artiste a en fait étiré 1:20 de la pièce du thème principal du Lac des Cygnes. On retrouve la ballerine. Absolument, absolument. Puis il l'a étiré sur 10 minutes. Donc ça fait quelque chose de très lent, un son qui est finalement très apaisant et non pas agressant pour un retour de son. Puis on se retrouve finalement plongé dans une salle qui fait fait presque scène, presque théâtrale. Là. Il y a des rideaux noirs. Donc, on se sent dans cet univers-là de la ballerine, du spectacle. Moi, ça a été un de mes coups de cœur, là, vraiment, du mois multi jusqu'à présent. Oui, mais, ouais. Oui, mais c'est vraiment une... Moi, ça me faisait penser au bol tibétain. C'est, oui, c'est niaiseux, mais il y a quelque chose de très, très méditatif. On embarque, hein, on est emporté dans ce son-là qui nous fait flotter. Hein. Il y a une espèce de flottement dans l'expérience de cette œuvre-là. Donc, c'est présenté au studio d'Avatar jusqu'au 5 mars. Donc, vous avez encore le temps d'aller le voir. À vue, deux expositions assez étonnantes. Donc, on a dans l'espace américain Patrick Beaulieu qui nous présente Dérive continentale et dans l'espace européen Nadège Grémière-Forget qui nous présente une œuvre toujours en cours. Donc, c'est une performance vidéographique ou une performance web donc qui s'intitule Hier et aujourd'hui. Donc, deux univers quand même assez différents. Hein? Donc, on a vraiment un contraste qui s'installe entre les deux galeries. Vraiment. Oui. Ouais. Quelque chose de plus claustrophobique avec Nadège, admettons. Là, Le soir du vernissage, moi, je m'amusais à voir les gens entrer dans la salle, puis tout le monde fait la même chose. On est intrigué par ce gros cube rose-là. Ouais. On se demande qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Et on fait le tour et on trouve l'entrée. Ouais. Alors, ça, c'est excellent. Pour vrai, la disposition, l'angle hein, dans laquelle la boîte a été mise, là, là-dessus, c'est chapeau, c'est... Puis on a tendance à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours ça. On est vraiment fait comme ça. Conditionné musée. Tu le vois pas, puis il y a un son qui arrive de quelque part, tu le cherches, on cherche le son, puis là, hop, tu trouves l'entrée de la niche. Oui, c'est vrai, c'est une niche. On doit vraiment s'accroupir pour rentrer en contact avec cet écran-là qui est au ras du sol. Tout à fait. Et elle, sa webcam se trouve au ras du sol aussi. Hein, on a vraiment Nadège qu'on connaît un peu pour ses performances à saveur féministe avec beaucoup de crémage et de maquillage et de beurrage sucré. On peut la voir en direct. Elle est toujours dans son atelier appartement. Donc, moi, j'ai vu du sirop de chocolat, du crémage, des cerises le soir du vernissage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu. Moi, j'ai eu un tête-à-tête avec son chat. Beau 3 minutes. Là, je l'ai vu un peu passer, mais sinon, je suis regardé. C'est ça, c'est ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'y avait rien, il ne se passait rien. J'étais en face d'un canapé avec la gamelle du chien, puis j'avais moi-même l'impression d'être le chien dans cette niche-là. Donc, c'était une toute autre approche. Puis dans cet enrobage rose, parce qu'il faut le dire, là, la couleur, elle n'est pas anodine aussi. Là, nous invite dans une petite boîte rose bonbon justement là enrobée elle aussi là Moi au moment où j'y étais en fait elle était en train de texter avec ses longs ongles sur son cellulaire puis c'est ça que j'aimais de cette pièce là tu sais on en a parlé abondamment de la réalité virtuelle versus le réel puis il me semblait au départ il me semblait que c'était une pièce que j'avais déjà vue puis j'étais un peu déçue de ça puis plus je m'attardais à la pièce plus j'étais impressionné par le fait qu'on était devant une immense présence par ce cube rose-là qui la symbolisait physiquement dans l'espace parce que quand on voyait finalement le personnage à l'écran, qu'on voyait agir dans ses gestes quotidiens, l'image qui nous venait en tête, c'est un immense cube rose finalement, tu sais, avec tout le superficiel ou en tout cas le bonbon, le crémage dont tu parlais, qui refaisait surface. Donc, j'ai aimé ça finalement, cette mise en scène-là du cube où nous fallait s'accroupir finalement pour l'observer. Donc, être mal à l'aise, voyeur mal à l'aise dans une petite niche, c'est intéressant. On rentrait dans ça. Son intimité, tu sais, physiquement. Oui, tout à fait. Donc, les performances, elle est assise à même le sol, on est en contact direct, visuel avec son entrejambe. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très malaisant là, dans cette expérience-là. Quelque chose d'extrêmement différent de Dérive continentale, oui. qui est présentée dans l'espace américain, où là, on a de l'espace. Oui, c'est ça. Mais je dirais que c'est ça le lien entre les deux expos, c'est que il y en a une qui t'oblige à rentrer dans vraiment dans les profondeurs de l'intérieur, et l'autre qui t'amène complètement vers une ouverture, vers le grand air, vers l'exploration extérieure. Fait que je trouve que en ça, ça marche quand même assez bien les deux. C'est un beau contraste qui est installé entre les deux propositions. Donc Patrick Beaulieu qui nous présente en fait le résultat d'une recherche qu'il a fait. Il s'est fait dériver en kayak sur la rivière Champlain, je crois. Missisquoi. En tout cas, il s'est fait dériver du Québec aux États-Unis. Donc jusqu'à New York. Il s'est rendu jusqu'à New York en empruntant plusieurs rivières, en se laissant dériver. Mm-hmm. Donc, sans prendre des décisions, en laissant le cours des rivières décider pour lui. Et donc, on a une vidéo. Je sais qu'il a déjà présenté ce travail-là avec carrément le kayak installé en galerie. On a l'espèce de j'appellerais ça une figure de proue, là, mais tu sais, comme l'affaire qu'on retrouve sur le... Ouais, c'est comme ça pour une Mercedes, tu sais, comme un espèce de gros logo. Sur le dessus. C'est ça, sur le bout de son kayak. Ouais. Et des installations qui réfèrent beaucoup... Rames aussi. Hein. Oui, ouais. les rames au centre, et des installations qui vont référer beaucoup au camping, à la survie, à ces moments-là qu'il a dû vivre aussi. L'eau est très présente aussi, reflet sur l'eau, très, très présent dans son travail, dans le travail qu'il nous présente à la galerie. Pour vous, là, mais la boîte avec les huîtres. C'est immensément poétique. Ça, c'est incroyable. Absolument. Ça, c'était beau. Là. C'est tout petit, c'est tout ça, mais c'est magnifique. Là, tellement réussi. En fait, la lumière qui est en dessous, dans une boîte, il y a une lumière en dessous qui va percuter finalement les rayons sur des coquilles d'huîtres. Ouais. Et finalement, la projection qui se trouve au mur, ça ressemble à des montagnes. Des paysages. Qui est un peu mouvant à cause de la lumière qui bouge finalement en dessous. Mm-hmm. Et l'installation à côté aussi est vraiment intéressante. Wow. Là, avec le reflet, c'est une gamelle d'eau dans laquelle il y a, c'est comme une eau flottante là, un peu, et ça projette, donc avec la lumière, ça projette, tu sais, c'est des choses toutes simples, ça projette un reflet c'est comme mouvant. Une lune, qui se reflète sur l'eau. Puis qui réagit au mouvement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'installation vidéo, mais on est vraiment dans l'interaction aussi. T'sais. On s'approche et on voit les pas à la surface de l'eau. Tout à fait. Il y a un petit moteur qui fait toujours agiter l'eau de temps en temps, mais très très minime. Là. C'est rien, là, comme c'est imperceptible, mais ça crée l'univers. Hein. Un seul mouvement, puis tout d'un coup. Absolument. C'était bien réussi, ça. Donc, deux expositions qui sont encore à vue jusqu'au 12 mars. On va partir en pause audio et au retour, on va descendre d'une rue. Avec un extrait de la pièce Everyone Knows. Alors, de retour à l'aérospatiale, Gentiane Lafrance avec vous, accompagnée de Suzy Dufour, Fanny Hénon-Lévy et Julien Saint-Georges. Nous discutons des installations du mois multi. Dans le hall de Méduse, en fait, dans le couloir vitré qui donne sur la rue Saint-Vallier, il y a l'installation Migration de Stephen Conford. Donc, il y a une installation qui nous présente un amas de machines. C'est un dispositif. Oui, ouais. des petits dispositifs. Je pense que c'est 140, des pièces de dictaphone. 140 dictaphones, oui. Exactement, okay. À cassette obsolète. Mm-hmm. Puis ces mécanismes-là, ils sont tous activés en même temps. Ils sont en mouvement, constamment. Ils sont sur le mur, ils sont à la verticale. Oui. Et ça provoque du bruit. Ça provoque non seulement un mouvement visuel, mais ça provoque du bruit. Il suffit de fermer les yeux pour avoir vraiment une impression d'une migration d'oiseaux ou d'insectes. Ça nous amène complètement ailleurs, alors qu'on est devant des objets mécaniques obsolètes, récupérés, qui sont mis en action. Donc c'est fantastique, là, c'est magnifique. Là, c'est comme le caractère vraiment poétique de la technologie. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il n'y a pas besoin... Oui, c'est juste migration, on dirait, qui nous enligne un petit peu sur une piste. Puis après, là, c'est juste l'objet qui crée tout l'univers, finalement. Ça fait que ça, c'est bien réussi, ça. Absolument. Puis on l'entendait vraiment... On entend vraiment, c'est ça, une migration. On l'entend, quelque chose. Oui, ça nous évoque vraiment... ça peut être des objets complètement artificiels, ça nous évoque vraiment le monde naturel. Mm-hmm. On entend des insectes, des grenouilles, des oiseaux à la guise. Mm-hmm. Hein, c'est nous qui décident. C'est nous qui décidons ce qu'on entend. Et puis, l'installation est très, très belle, hein, avec tous ces mouvements répétitifs. Ouais. Exactement, visuellement, c'est vraiment intéressant aussi. T'as aussi l'impression d'avoir des bibites qui sont en train de grimper sur le mur, là. Oui. Et il y a une critique, et ça, c'est dit dans l'explication de l'installation, mais c'est une critique aussi de la société et de la surconsommation, dans le sens où on est tout le temps en train d'aller chercher de la nouvelle technologie et de consommer de la nouvelle technologie. Et lui, il réutilise, c'est un peu sa spécialité à Stéphane Kornfort, c'est de réutiliser cette technologie-là et de la détourner. Une autre installation très, très, très, très, très séduisante aussi, je dirais, Les temps individuels de Catherine Béchard et Sabin Hudon. Donc, ça nous met vraiment dans une ambiance de contemplation aussi, cette installation-là qui est présentée dans le studio d'essai, où il y a du son qui provient de haut-parleurs avec des vases de verre qui font office de cloches, mais qui sont accrochés au plafond et qui sont mobiles. Mm-hmm. Qui montent, qui descendent. Et les sons sont beaucoup plus de silence que de son, je dirais. Oui, vraiment. Donc, on est dans l'attente aussi. Moi, j'ai senti beaucoup, beaucoup de tension quand j'étais devant cette œuvre-là. Premièrement, j'avais peur qu'il y ait un des vases qui tombe. Hein? On est dans cette tension-là, des objets de verre qui sont suspendus au plafond. Mais il y a aussi, on attend qu'un son émerge ou de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a des moments immobiles. Après, c'est des surprises, hein? C'est tout des surprises, mais tout en lenteur. Ouais, c'est vrai que le rythme, c'est très particulier dans cette pièce-là. Moi, je l'ai pas du tout ressenti de la même manière. Je l'ai vraiment senti comme un espace de, il y a vraiment un espace de repos, de contemplation. Ouais. La poésie est omniprésente dans cette pièce-là. Le souffle, on entend, il y a vraiment le souffle, le vent, tout se colle au rythme corporel. Et du coup, le spectateur est amené à vraiment vibrer au même rythme que cette œuvre-là, et c'est très apaisant. Ouais, mais ça habitait beaucoup l'espace, je trouvais. Énormément. Si vous y allez, vous allez voir, c'est minimal. Tu sais, il y a vraiment peu d'objets, mais la pièce est pleine, on dirait, avec les sons, avec les couleurs, les cordes. Les cordes sont colorées, ça fait que c'est la seule note de couleur dans toute la pièce. Puis tu rentres, c'est ça, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une présence vraiment là, avec cette œuvre-là. Donc, rapidement, parce qu'il faut partir à la pause publicitaire, mais dans la salle multi, il y a également des installations très intéressantes. Il y a Spectral d'Alice Jarry, le jeu de loi de Patrice Coulombe et Caroline Gagné. Spectral, qui est un ensemble de ficelles blanches et de poids installés au plafond. Et Patrice Coulombe et Caroline Gagné, qui utilise le piano, le fameux piano qui joue tout seul d'Avatar, avec des photographies d'oiseaux en migration. On reste un peu dans les mêmes thématiques, donc on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement. On a parlé des autres installations avec assez de passion. On va partir pour une pause publicitaire. CKRL 89.1. Thank you. de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership. Objectif 40 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30. Par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Retour à l'aérospatiale. Nous avons Fanny. Pardon. Bouchard. Fanny Bouchard en studio avec nous. Pardon, j'étais un peu perdue dans mes papiers. Alors, Fanny, comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, ça va bien. Oui, donc Fanny, vous présentez une exposition à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université de Laval. Cette exposition-là se nomme « Lever le voile », mais c'est pas vos œuvres à vous que vous présentez. Non. Ce sont les œuvres de quatre personnes qui ont participé à votre projet de maîtrise, si je comprends bien. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de en quoi ça consiste ce projet de maîtrise en travail social, je crois. Oui, c'est exactement ça. En fait, ça part d'une expérience personnelle que moi j'ai vécue aussi de l'utilisation de l'art, mais d'une façon à se trouver un espace de création, de liberté d'expression, de trouver son propre mouvement. Puis j'ai trouvé que c'était quelque chose, moi, qui m'avait fait du bien. J'avais expérimenté ça en danse et évidemment en art visuel, parce que j'ai une formation là-dedans. Puis j'avais un goût d'offrir d'autres opportunités pour les personnes, pour aider les gens aussi, mais dans d'autres sphères, en utilisant d'autres moyens que ce qu'on connaît habituellement ou ce qui est reconnu ici. Donc, dans le fond, ça partait d'un petit peu de cette idée-là. Puis j'avais le goût d'amener ça aussi dans le milieu professionnel au niveau du service social, d'offrir cette opportunité-là à des gens qui n'ont pas toujours l'opportunité, des offres, des choix pour essayer de nouveaux moyens justement là de créer, de s'exprimer, d'avoir un espace pour soi. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là. Puis le travail social, ben c'est vraiment une discipline, une profession vraiment parfaite pour ça, qui allie mes deux passions, c'est-à-dire les gens et les arts. Alors c'est un petit peu ça l'idée en arrière. Puis on mise en fait plutôt sur le processus que sur l'esthétique, que sur les résultats. L'intention, exactement. Mm-hmm. Le résultat est là. C'est ça qui est magnifique parce qu'en misant sur le processus à travers le jeu, la création, les échanges aussi, c'est ce qu'on a expérimenté à travers le groupe qu'on a fait. Puis, dans le fond, après ça, ben il y a quand même un résultat qui est là. C'est ça qui est fantastique. Il y a une beauté, il y a une liberté d'expression. Il y a une émotion qui est là, qui peut toucher quelqu'un aussi. Fait que c'est vraiment... C'est assez extraordinaire comme aventure. Oui, en fait, ça a l'air d'être une très belle aventure avec donc ces quatre participants-là. Vous les avez rencontrés à plusieurs reprises pour faire des exercices, j'imagine, de création. Est-ce que à quel point ils étaient guidés? Parce qu'on voit qu'il y a quand même des liens formels, des méthodes, des gestes plus expressifs, plus libres, avec une figuration qui s'allie à ces gestes-là. Parfois, ça reste très très abstrait. À quel point les participants étaient guidés dans leurs exercices de création? Ben en fait, c'est sûr que moi, ça m'a demandé beaucoup de recherche au départ, puis beaucoup de planification, d'organisation pour partir un groupe comme ça. Puis dans le fond, j'ai recruté les participants à Sherpa et Pêche. Donc c'est en mixité sociale. C'est il y a des personnes en rétablissement en santé mentale qui ont participé à mes ateliers. D'autres non, monsieur, madame, tout le monde. C'était pour ouvrir un petit peu d'autres perspectives. Puis dans le fond, c'était 10 rencontres qu'on a fait, qui étaient sur différentes thématiques. Donc parfois, on a fait même des jeux avec les yeux bandés à dessiner pendant 5 minutes. Puis à partir de ça, de continuer le dessin. Donc qu'est-ce que ça nous fait vivre aussi de faire un processus comme ça. Puis c'était à travers le plaisir aussi. Tu sais, des fois, à travers la vie qui va tellement vite, puis le souci de performance, la pression, bien, c'est le fun d'avoir un espace où on peut juste comme c'est le laisser aller. Le laisser aller, oui. Oui, oh, oui, le laisser aller qui manque au rythme contemporain. Exact. Puis c'est intéressant parce qu'on retrouve des stratégies provenant des automatistes, provenant de l'ère surréaliste. Exact. Non? C'est ces stratégies-là où on va jouer avec le hasard, où on va jouer avec la perte de contrôle pour aller creuser la créativité. C'est ça. Puis donner un espace aussi pour... d'intériorité. Moi, j'ai aussi axé mes ateliers là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un petit temps au début où est-ce que on prenait un temps pour se recentrer, juste de se déposer pour être plus dans le moment présent, puis être à l'écoute de ce qui se passe pour vrai, là. Puis après ça, il y avait un moment d'échange aussi sur ce qu'on avait vécu. Fait que ça, c'était vraiment intéressant parce qu'à travers un processus comme ça, ben il y a différentes choses qui peuvent en ressortir, des dynamiques d'aide entre les personnes, des échanges passionnants. Fait que tu sais, ça peut toucher vraiment des sujets aussi comme la perte de contrôle, par exemple, quand on dessine les yeux bandés, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça peut aller en profondeur aussi. Ouais, d'analyser toute l'expérience qui vient autour de la création. Il y a quelque chose qui frappe quand on entre dans l'exposition, c'est que les médiums utilisés, le fusain, le feutre noir, l'encre de Chine, ce sont tous des teintes de gris, des noirs. Oui. Il y a aucune couleur dans l'exposition. J'aimerais vous entendre parler un peu plus de ce choix-là de n'utiliser que du noir et du gris. OK. Ben en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison esthétique. Vu qu'il y avait plusieurs participants, mais j'avais quand même un souci, moi, en tant qu'artiste, d'avoir une unité à travers l'exposition, puis une légèreté qui allait s'en dégager aussi, là. Aussi de voir plutôt le geste et non nécessairement le tape à l'œil. Des fois, oui, c'est le fun, la couleur, ça peut être facile, mais c'est un défi aussi d'aller en noir et blanc, puis d'aller les trouver avec les contrastes de lumière, d'ombre. Je trouvais aussi que c'était significatif au niveau symbolique, là, tu sais, d'aller utiliser des médiums aussi contrastés que le noir et le blanc. C'est ça, au niveau des lumières puis des ondes d'ombre. C'était très... ça demandait un défi aux participants, là, aux artistes, là, de travailler, oui. Ça. Là, oui, oui, ben c'est une contrainte, mais la contrainte va amener à chercher des solutions, à aller chercher un peu plus loin, à sortir de sa zone de confort, comme on dit. Oui. Et puis, la mise en exposition aussi est assez particulière. En fait, on voit un lien tout de suite avec le titre de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce titre-là, « Lever le voile » Ça part d'une inspiration de lever le voile sur une autre façon de voir l'art. Autrement que, oui, c'est intéressant là de voir l'art comme une esthétique. C'est le fun qu'il y ait ça aussi. C'est la beauté. C'est tout ça, les arts, mais c'est aussi autre chose. Puis j'ai une vision de l'art qui est un peu inspirée du fait que je crois sincèrement que chaque personne est artiste à sa manière. Par les choix, par exemple, qu'on peut faire dans notre journée, dans notre vie, on peut créer de notre vie un chef-d'œuvre. Donc, c'est de lever le voile un peu sur une autre conception des arts, de la créativité qui va au-delà de l'esthétisme et du matériel, là. C'est vraiment... c'est ce que j'ai trouvé beau. Puis, je voulais aussi souligner tout le courage de ces co-aventuriers, comme je les ai appelés, et artistes. Les co-aventuriers. Oui, ah, c'est oui, ça. C'est beau, c'est ouais. Beau. Donc c'est une belle aventure. Et puis, la façon dont les œuvres sont disposées dans l'espace, ce sont des voiles, oui. Justement, translucides, qui pendent du plafond. Les œuvres sont disposées de part et d'autre. Donc, ça donne quelque chose de très... malgré que les images peuvent parfois être lourdes. Mm-hmm. On s'entend, c'est parfois très chargé, les compositions, ça donne un effet beaucoup plus léger, hein. Donc il y a une espèce de d'équilibre qui s'installe aussi dans l'expérience des œuvres. C'est quoi qui vous a inspiré pour faire cette mise en exposition là sur des voiles translucides dans l'espace? Bien, en fait, je le savais dans l'organisation de mes rencontres que ça allait être sur des cartons. Justement, l'idée de faire ça sur des cartons, c'était qu'il y en ait plusieurs, qu'on ait la possibilité de faire plein d'œuvres, donc pour enlever l'angoisse de la page blanche. Donc, il y avait pas comme un tableau qui vaut, mettons, 40 piastres, une toile, là, puis là, c'est là qu'il faut que je fasse l'œuvre ultime, oui, tu sais. Oui. Donc, il y avait cette idée-là de prendre des cartons très simples, d'un côté glacé, l'autre côté mort, on avait le choix de deux textures. Donc, à partir de là, ben des encadrements, ça coûte quand même cher. Dans le cadre de mon projet, ben j'avais pas nécessairement non plus un gros budget. Alors, j'ai usé de ma créativité pour penser à quelque chose qui pourrait mettre en valeur des cartons, justement des œuvres sur carton en noir et blanc. Puis l'idée des voiles, ben c'était vraiment pour donner la légèreté, puis en même temps de donner de l'espace aussi. Je savais pas combien j'allais avoir d'œuvres, donc peut-être j'allais pas en avoir beaucoup ou juste des petites ou je sais pas. Donc c'était très très aléatoire. Donc le voile aussi me permettait une grande latitude au niveau de la composition de l'espace. Puis, si j'ai trouvé... c'est ça, j'étais contente finalement de ce que ça a donné. Oui, donc une très belle exposition à voir jusqu'au 27 février à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Oui. Fanny Bouchard, merci beaucoup d'être passée en studio. Bien, ça me fait très plaisir. Et merci à tous les artistes et à ceux qui sont venus voir l'exposition. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, de retour à l'aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL. J'entends de la France avec vous. Je reçois au téléphone, en fait, Jenny Paquette. Bonsoir, Jenny. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, très, très bien. Donc, Jenny Paquette, vous êtes céramiste. Vous avez terminé l'école de la Maison des métiers d'art en 2012 avec plusieurs prix, je crois. Oui, en fait, j'ai reçu deux prix, dont un pour la mise en marché de mon produit, puis un pour ce qui s'appelle le Grand Prix MMAQ qui mettait en relief ma démarche artistique. Puis justement la mise en marché des produits et des objets. Donc l'exposition que vous présentez au Centre Materia s'intitule « Objets », une exposition qui a débuté vendredi passé. Donc une exposition composée de céramique et de grès, c'est de l'argile je crois. Donc c'est vraiment vous travaillez beaucoup à partir de moulage en fait. Oui, c'est ça. J'utilise des techniques semi-industrielles, donc le moule de céramique dans lequel je vais couler de l'argile liquide, la porcelaine en particulier, mais j'utilise aussi le grès pour faire d'autres objets avec une autre technique semi-industrielle qui est la presse hydraulique. donc des techniques semi-industrielles et vous représentez des objets jetables. Hein. On pense à la production industrielle de ces objets-là, des objets jetables que l'on jette tous les jours. Donc on va retrouver des barquettes de styromousse, des assiettes d'aluminium, des bouteilles de plastique. Donc il y a vraiment, au premier regard dans l'exposition, on devine déjà des considérations environnementales. Je pense que c'est vraiment au cœur de votre démarche, ça. Oui, c'est ça. Ben, j'ai envie qu'on se questionne sur notre appropriation de la matière, sur le fait d'utiliser la matière, puis d'en faire volontairement des objets qui sont destinés à être des déchets, en fait. J'ai envie qu'on se questionne là-dessus. Puis moi, j'apporte ma solution, mais je pense que chaque personne est en mesure de trouver sa propre solution. Mais moi, j'ai eu envie d'amener les gens à réfléchir sur les solutions qui peuvent survenir. Puis voilà, c'est ça. Donc, votre solution, c'est de créer des objets durables, des objets de céramique qui vont durer, bon, si on les achète pas, qui vont durer pour des décennies. Oui, c'est ça. En fait, je veux aussi mettre en lumière que ce que les artisans font sont des objets qui peuvent justement perdurer. Donc, je pense que d'acheter aussi, de consommer en fait des objets qui viennent faits à la main, qui viennent d'artisans, je trouve que c'est une belle solution. Pour contrer ce que propose l'industrie dans le jetable. Mm-hmm. Et puis, l'installation de votre exposition est assez inusitée. On se retrouve un peu comme dans un labyrinthe, je dirais. Il y a comme des espèces de petites rues aménagées. Les pièces sont disposées au sol sur des bandes de tissu vertes ou brunes, et puis il y a même des noms qui sont donnés à certaines rues, et puis il y a rien sur les murs, hein. Les murs ne sont pas occupés. Pouvez-vous me parler un peu de ce qui vous a inspiré ce type d'installation là pour vos pièces? Oui, ben en fait comme j'ai l'impression de proposer une solution à ma mesure, ben j'ai envie de proposer une mise en espace qui rappelle la construction, la maquette. Donc je me suis beaucoup amusée à essayer de trouver une façon d'amener les gens à se promener à travers un circuit. Moi, je vois ça comme une grosse maquette, en fait, avec des noms de chaque titre d'œuvre, pour moi, est un nom de rue. Donc on a différents espaces qui font référence à différentes sections de notre façon d'installer nos villes, tout ça. Donc j'ai voulu aussi amener la nature à l'intérieur, puis faire des parallèles avec les matières premières par rapport aux objets qui sont créés avec ces matières-là. Donc j'ai aussi des arbres pour lesquels les branches sont des rouleaux de papier de toilette. Donc le lien direct entre le carton puis la fabrication du rouleau de papier de toilette qui est destiné à être jeté. Donc c'est ça, j'ai voulu aussi mettre ça au sol pour qu'on puisse porter un regard un peu extérieur, puis un peu aussi d'une manière ludique pour que les gens voient pas ce que je propose comme quelque chose de dramatique ou comme le fait de traiter de l'environnement. C'est toujours des fois dramatique ou tragique, mais moi j'ai envie qu'on s'amuse aussi, fait que c'est très coloré, puis c'est une mise en espace qu'au sol, ouais. Oui, donc c'est assez intéressant de se promener. On se prête au jeu en se promenant dans ces rues aménagées ou à découvrir toutes ces pièces qui sont très différentes. Donc on voit qu'il y a différentes. Vous avez les barquettes de styromousse, vous avez les rouleaux de papier de toilette vides, les assiettes d'aluminium. Et les bouteilles de plastique. Les bouteilles de plastique sont présentées d'une manière assez intéressante. Elles sont présentées vraiment en amas. C'est des tas de bouteilles de plastique. On peut pas ne pas penser au septième continent en voyant ces bouteilles de plastique là qui forment ce continent au milieu du Pacifique, et en voyant ces bouteilles qui sont aménagées soit dans la vitrine ou dans la maquette, toutes empilées les unes par-dessus les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de vos réflexions? Ben oui, en fait, l'origine de cette œuvre-là, c'est vraiment pour dénoncer ce septième continent-là. En fait, les bouteilles, je les ai développées dans le cadre de mes études en 2009. Donc, j'avais fait un projet relié à mes études, puis c'était une installation, puis ça s'appelait Une bouteille à la mer, puis en parenthèse, le septième continent. Donc, ça faisait directement référence. Puis à partir de ce moment-là, ben ma démarche a évolué, mon propos aussi, puis dans l'exposition, ça peut faire aussi référence au septième continent, mais c'est rendu une entreprise d'eau. Là, on fait pousser l'eau, puis ça s'appelle Aquaculture Inc. Donc, ça a progressé vers le fait de produire des bouteilles d'eau, de les jeter, tout ça. Ça fait aussi référence à l'industrie, mais ouais, à la base, le septième continent fait partie intégrante de cette œuvre-là. Ouais. Donc, une œuvre qui a changé de forme, si on veut, les bouteilles de plastique sont parfois partiellement moulées, hein, donc on a un fragment de bouteille et on dirait qu'elles ont été trempées, si on veut, dans la glaçure bleue, hein, un bleu très profond qui évoque les fonds océaniques. Pouvez-vous nous parler un peu du travail de glaçure que vous avez fait sur les bouteilles? Oui, en fait, c'est un émail que j'ai élaboré dans le cadre de mes études aussi, puis c'est à base de cobalt, donc c'est un bleu, comme vous dites, assez profond, c'est un bleu cobalt, puis j'utilise différentes techniques là, pour appliquer sur la porcelaine ce bleu-là, donc j'y vais par coulage, des fois je fais des traits de pinceau, puis je cuis la plupart, en fait, ne sont pas toutes cuites dans un four au gaz, mais celles qui sont dans la vitrine sont cuites dans une cuisson au gaz, dans une atmosphère de réduction d'oxygène, donc ça vient aussi ajouter des petites tonalités de gris à travers des cristaux qui se forment à cause du manque d'oxygène dans le four, donc grosso modo, c'est ça. D'où les variations, donc il y a des variations dans le bleu, dans celles qui sont présentées dans la vitrine, alors que celles qui sont disposées à l'intérieur dans la maquette ont un bleu beaucoup plus uniforme. Et puis, pour ce qui est des assiettes d'aluminium, le travail de la glaçure va aussi chercher un émail aux différentes variations de couleurs. Est-ce que c'est un peu le même type de travail au four que vous avez fait au four au gaz? Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. Excepté que ces assiettes-là sont brunes, puis sont faites avec un émail très, très chargé en oxyde ferreux. Donc, quand je réduis l'oxygène dans le four, le feu cherche l'oxygène dans la molécule de fer, ce qui fait que ça vient produire un effet très, très métallisé qui peut varier entre le noir, l'orangé, le pourpre. C'est assez aléatoire, puis c'est le feu qui décide un peu comment ça se passe là, à ce moment-là dans le four. Merci beaucoup, Jenny Paquette, de nous avoir accordé cette entrevue. Votre exposition Objet est présentée au Centre Matériel jusqu'au 27 mars. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va partir en pause audio avec un extrait de Temples. anything beside that. So dress, movements, business, whatever it is, it's all sattvic. Develop that balance, sattvic, tranquil quality in life. Then. Donc, c'était le titre Jazz Song de l'artiste MEDL4. Donc, une sélection audio qui nous est présentée par Simon Roy. J'en tiens de la France au micro à l'aérospatiale. Je vous fais un petit rappel des différents événements à ne pas manquer cette semaine. Donc, d'abord, vendredi, le 19 février, il va y avoir une conférence de Barbara Clausen au lieu. Donc, une conférence sur la performance au Canada. Ça va avoir lieu à 16h. En soirée, le même jour, il va y avoir carte blanche à Antitube à la salle multi. Donc, dans le cadre du mois multi, Jason Béliveau, que vous entendez parfois au micro juste après nous, et Catherine Pelletier, donc qui sont les têtes-chercheuses chez Antitube, et ont été invités par le mois multi pour présenter un événement cinéma. Et le choix s'est arrêté sur l'acteur Cary Grant, donc un programme double qui va vous être présenté à 19h, le film His Girl Friday, réalisé par Howard Hawks en 1940, et à 21h, le film Charade, réalisé par Stanley Donen, un film de 1963, donc qui vont être projetés à la salle multi le 19 février. Ensuite, samedi, le 20 février, il va y avoir le spectacle « Voyage d'hiver » de Kate Kuna. Donc, un spectacle qui est présenté, qui est une espèce de résultat de résidence de création, nouveau genre, avec Kate Kuna qui s'est inspirée des performances, des installations du mois multi pour faire sa performance. Et dimanche va débuter l'exposition Gaspésie Humanless de Guillaume Dessir et Yana Ouellette à la galerie Michel Guimond. Donc, vous allez retrouver toutes ces informations et la balado-diffusion de l'émission sur notre page web au www.laérospatialecrl.wordpress.com. Je tiens à remercier mes invités Fanny Bouchard et Jenny Paquette, ainsi que mes collaborateurs Simon Roy, Suzy Dufour, Fanny Non-Lévy, Julien Saint-Georges, ainsi que Jacques Gignac à la mise en onde. Et mon remerciement le plus précieux va à Audrey Carreau. Je vous rappelle que vous pouvez aller assister à l'événement BGL, donc qu'elle présente ce soir à partir de 19h30 à l'auditorium du Musée national des beaux-arts du Québec. Je cède le micro à Pierre Blais pour son émission Situation critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Moi, ma retraite, je vais la passer sur le fleuve. La grand voile sortie, je vais profiter du son des vagues, de l'air du large. Et découvrir la rivière, parce qu'on aura enfin le temps de pagayer, chacun sur notre kayak. Ce que je veux, dans le fond, c'est juste d'aller au lac, sortir la chaloupe, peut-être même taquiner la truite de temps en temps. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr, avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Près de 1200 participants sont attendus à Québec du 14 au 18 février 2016 pour le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique. D'abord réservé aux professionnels de la scène, les portes de la Bourse Rideau sont ouvertes au public pour certains spectacles, et ce, gratuitement. Au Cercle, à l'Impérial Belle, au Grand Théâtre de Québec, au Palais Montcalm et à la Chapelle du Musée de l'Amérique française.